Bonjour et bienvenue sur notre podcast. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'article défini et les boissons. Today we're learning the definite articles and drinks. We know drinks already. We know verbs of preference that trigger the use of the definite article, and we're learning the definite article. So let's start with that. Le, la, les. Repeat with me. Le, la, les. And of course, don't forget l'apostrophe. L'apostrophe that you use with a vowel sound. So when do we use le? For a masculine singular noun. Le café. We use la for a feminine singular noun. La bière. We use les for a plural noun. Les omelettes, with an S at the end. Or we use l'apostrophe with a noun beginning with a vowel sound. L'eau minérale. So tell me. Vous adorez ou vous détestez le café? Moi, j'adore le café. Vous adorez ou vous détestez les omelettes? Moi, j'adore les omelettes. Vous adorez le coca? Vous préférez l'eau minérale? Moi, je préfère l'eau minérale. Vous adorez les croissants? Vous détestez les croissants? Moi, j'adore les croissants. Et la pizza? Vous aimez bien la pizza? Vous adorez la pizza? Vous détestez la pizza? Moi, j'aime bien la pizza. Et le chocolat chaud? Vous adorez le chocolat chaud? Vous détestez le chocolat chaud? Moi, j'adore le chocolat chaud. Well, that was easy for today. It was quick and dirty. Learning how to express your preferences. You now can tell exactly how you feel about all the different foods and drinks that you know. So, here we go. I could say, je déteste la bière. J'aime beaucoup la limonade. J'adore le chocolat chaud. Je déteste le coca. J'aime bien les omelettes. J'aime assez l'eau minérale. J'adore les croissants. Et j'aime la pizza comme ci, comme ça. Can you express your tastes now? I hope so. Until tomorrow, work well.